Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le suicide de François de Grossouvre, le jour où pour la première fois et la dernière à ce jour, le sang a coulé à l'intérieur du palais de l'Élysée. Raconter l'histoire de François de Grossouvre, c'est parcourir à ses côtés la vie tumultueuse, officielle et officieuse de François Mitterrand. Du candidat au président, il fut un compagnon de tous les instants. L'exercice du pouvoir les éloignera peu à peu. Avant le 7 avril 1994, jour de sa mort, les Français ne connaissaient presque rien de François de Grossouvre. On l'appelait juste l'ami du président. Il n'existe, sauf erreur, aucune archive d'interview télévisée ou radiophonique de cet homme. Juste quelques plans de lui auprès du président lors de déplacements ou de rencontres. L'homme de l'ombre par excellence. Sa vie se conjuguant sur le mode du secret leur a grand ouvert les portes de l'imagination. Depuis 1994, sa mort est source de controverses et inspire romans ou essais. Alors, qui était François de Grossouvre et pourquoi ce geste dans son bureau à l'Élysée? Il fut le ministre officieux de la vie privée du monarque républicain. On le surnomma un temps Richelieu, Mazarin, puis Belphégor. Il est désormais à jamais le dernier mort de François Mitterrand. Jolie formule que j'emprunte à notre invité, la journaliste Raphaël Baquet. C'est le titre de son livre, paru en 2010 chez Grasset et chez Albin Michel. Une enquête passionnante sur François de Grossouvre, un roman du pouvoir, ce pouvoir qui broie les hommes, parfois. Tout comme certaines histoires d'amour qui finissent mal, en général, ce genre d'histoire où l'un des deux ne trouve qu'une réponse à l'abandon dont il se sent victime, la mort. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attachée de production Léa Dupouy-Henquin, Ida Bory, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Jérôme Chélius et Koyen Guyen, à la technique aujourd'hui Mehdi Fatah, Vincent Godard. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. « 7 avril 1994, palais de l'Élysée, 19h45. » En cette fin de journée de printemps, le soleil se couche sur les murs du palais. L'Élysée se vide, les lumières des bureaux s'éteignent. La plupart des collaborateurs rentrent chez eux. Au palais, ce n'est plus le temps de l'effervescence et des nuits blanches des premiers mois de la présidence Mitterrand. La vie a changé. Désormais, dans les couloirs, c'est le silence qui règne, dans une atmosphère crépusculaire. Ce soir-là, le président Mitterrand est encore là. On l'informe des derniers éléments internationaux, notamment de la situation au Rwanda. La veille, les chefs d'État rwandais et burundais ont été assassinés dans un attentat. Les conséquences seront dramatiques. En France, l'actualité se limite à la grève dans les transports et à l'organisation du premier site d'action. C'est à cette occasion que François Mitterrand est venu rendre visite aux malades et aux médecins à l'hôpital Cochin. Il y rencontre le docteur Didier Sicard, qui l'invite à dîner le soir même à l'Élysée. Dans l'aile ouest du palais, il reste quelques collaborateurs, dont le président du comité des chasses présidentielles, François de Grossouvre. Il est arrivé vers 16h. Il rencontre le docteur Soubiel, avec qui il avait rendez-vous, et son voisin de bureau, Christian Nick. Dans l'après-midi, il envoie des fleurs à Madame Raougueri, la femme du ministre gabonais, avec qui il doit dîner le soir même. À 18h30, sa secrétaire quitte les lieux. Rien à signaler. Mais malgré l'heure qui tourne, François de Grossouvre ne sort toujours pas. Vers 19h50, son garde du corps qui était dans le couloir entend un bruit sourd qui claque. Il ouvre la porte du bureau et découvre François de Grossouvre assis sur son fauteuil, les jambes croisées, le corps sans vie. Dans sa main, il tient un revolver 357 Magnum. En quelques minutes, c'est l'alerte générale dans les couloirs. On rallume les lumières, on téléphone tous azimuts. Le secrétaire général de l'Élysée est injoignable. Hubert Védrine s'est permis une sortie au cinéma ce soir. Le directeur de cabinet du président, Pierre Chassigneux, est encore à l'Élysée. Avec deux gendarmes, il entre brièvement dans le bureau et découvre le corps, une partie du crâne en moins. Après une hésitation, la police est prévenue. Surtout, on laisse le corps sur place, on n'y touche pas. À 20h15, un gendarme annonce la nouvelle à François Mitterrand. Il reste assis sur sa chaise, encaisse le coup. En moins d'un an, après Pierre Bérégovoy, le suicide frappe une seconde fois les sphères de pouvoir. À 23h, la présidence publie un communiqué. François de Grossouvre, président du comité des chasses présidentielles, s'est donné la mort en fin de journée dans son bureau. Le lendemain matin, l'info fait l'ouverture de tous les journaux. Les Français découvrent alors l'existence de François de Grossouvre, un ami et confident du président qui fut en charge des affaires sensibles et secrètes de l'Élysée. Dans les journaux, ce ne sont pas les membres de la famille qui s'expriment, mais des anciens ministres et hauts fonctionnaires qui l'ont côtoyé. Tous parlent de son état de fatigue et de déprime, comme Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères. Le succès de François de Grossoules, à mon avis, est peut-être d'une toute autre nature. C'est quelqu'un qui était en fin de vie, qui s'interrogeait sur son existence, sur la façon dont les choses se sont passées, qui était probablement déprimé, qui était fatigué, il se sentait fatigué, il disait qu'il vieillissait, qu'il perdait la mémoire, qu'il n'avait plus la même agilité intellectuelle qu'autrefois, qu'il ne voyait plus le monde comme il le voyait. Donc, si vous voulez, c'est davantage sur un fond de fragilité psychologique que les choses se sont passées. Alors, quand l'a-t-il vu la dernière fois? Était-il un proche? Le 13 avril, sous les giboulées, Roland Dumas n'est pas aux côtés de François Mitterrand lors des funérailles. Quand le président arrive dans cette petite église de l'Allier, aucun membre de la famille ne l'accueille. Lors de la cérémonie ou à l'extérieur, François Mitterrand ne dit pas un mot. Il y a 12 ans, pourtant, à Lusigny, où l'on enterre François de Grossoules, il était là pour le mariage de sa fille aînée. Il en était même le témoin. Alors, que s'est-il passé depuis? Quelques semaines plus tard, François Mitterrand reçoit Patrick Poivre d'Arvor et Paul Amard à l'Élysée pour un entretien télévisé. Pour la première fois, il s'exprime sur la mort de François de Grossoules. Je connaissais en effet depuis longtemps François de Grossoules. Il a fait partie de la première équipe de mes collaborateurs ici. Il a quitté l'Élysée, c'est-à-dire mon cabinet, il y a 7 ou 8 ans, 1985-86, pour entrer chez Dassault. Et nous avons gardé des relations très proches. Et je dois dire que l'annonce, j'étais d'ailleurs là, l'annonce de sa mort volontaire, de son suicide, m'a causé beaucoup de peine. Mais vous qui le connaissiez très bien, à votre avis, pourquoi s'est-il donné la mort et pourquoi ici? Oui, ici, je le savais. Et le choix du lieu ne vous paraît pas être un acte contre la fonction que vous incarnez? Vous pouvez l'interpréter autant que vous le voulez. Je ne sais pas qui peut se sentir autorisé à interpréter la pensée d'un homme qui choisit la mort. Quelle est l'histoire de la relation entre ces deux hommes? Pourquoi cet ami du président s'est-il suicidé dans un bureau de l'Élysée? Retournons sur les traces des deux François. Automne 1959, la France retrouve le général de Gaulle et découvre la vie sous la Ve République. François Mitterrand a 43 ans, il est sénateur de la Nièvre. Il reste l'un des symboles de la Quatrième République dont il fut ministre à 12 reprises. On dit de lui qu'il est un homme du passé. On dit trop vite les choses, parfois. Valéry Giscard d'Estaing, qui mettra ses pas dans cette formule lors du débat de 1981, s'entendra répondre par François Mitterrand qu'il est fort dommage qu'entre-temps, Giscard, lui, soit devenu l'homme du passif. Mais c'est une autre histoire, celle d'un aboutissement, la conquête de l'Élysée. Revenons au début de cette longue route qui mènera François Mitterrand à la tête de la France. En octobre 1959, c'est dans les pages des faits divers et judiciaires qu'on retrouve son nom. Dans la nuit du 15 au 16, avenue de l'Observatoire, à Paris, sa voiture est la cible de tir. Il fait de nouveau l'actualité, passe à la télé et raconte sa mésaventure. En plein climat de guerre d'Algérie, les soupçons se dirigent tout naturellement vers les partisans de l'Algérie française. Pourtant, l'affaire connaît un retournement inattendu dans l'histoire de la République. Un homme, ancien député gaulliste Robert Pesquet, accuse François Mitterrand d'être lui-même l'auteur de l'attentat, de l'avoir mis en scène pour se faire de la pub. Il faut dire que François Mitterrand entame sa traversée du désert et c'est lors de ces jours tumultueux que Pierre Mendès France l'invite à un dîner avec des amis. La soirée a lieu au Berkeley, un restaurant des Champs-Élysées. Autour de la table, François Mitterrand reconnaît certains visages, dont celui de la journaliste Françoise Giroux. Puis Pierre Mendès France lui présente un ami, industriel fortuné qui finance le journal L'Express. Cet homme s'appelle François de Grossoules. Et c'est le coup de foudre. Les deux hommes ont à peu près le même âge, ont vécu la même guerre, faite de virages et d'hésitations, prenant le temps de la réflexion pour lâcher Pétain et rejoindre les rangs de la résistance. Si ce n'est pas la politique qui les rassemble, c'est bien la culture, l'éducation et la bourgeoisie de province dont ils viennent tous les deux qui les unit. Grossoules est un fils de banquier. Il est diplômé de médecine, mais c'est en se mariant avec une héritière d'une importante société sucrière lyonnaise qu'il fait ses armes dans les affaires. En gros, il a l'argent, François Mitterrand l'ambition. En 1965, ce dernier se présente à l'élection présidentielle. Grossoules paie les salles de meeting et les voyages et finance comme il peut son candidat. Le 6 décembre 1965, il est sans doute à ses côtés quand le président du Conseil constitutionnel, Gaston Paliouski, annonce les résultats. ont obtenu, messieurs Marcel Barbu, 278 420 suffrages, Charles de Gaulle, 10 504 007 suffrages, Jean Le Canuet, 3 770 771 suffrages, François Mitterrand, 7 655 042 suffrages. Dans ces conditions, il y aura lieu à second tour, et c'est mardi, à 20h, nous devrons vous faire connaître les chiffres définitifs. Charles de Gaulle remporte la présidentielle, mais les Français viennent de découvrir un homme qui les accompagnera pendant plus de 30 ans. Puis arrive la bataille de 1974 et François de Grossouvre finance encore la campagne de François Mitterrand. Dans les documents de cette campagne, on retrouve même son nom accolé à la fonction « Action sur le terrain, sécurité et voyage du candidat ». Mais François Mitterrand échoue une nouvelle fois. Alors, pendant que certains hésitent à rester aux côtés du candidat battu pour la deuxième fois, François de Grossouvre, lui, n'a aucun doute sur la destinée de son grand homme. A-t-il eu une seule fois sa carte au Parti Socialiste d'ailleurs? Je ne saurais vous dire, mais il suit le premier secrétaire comme une ombre. En 1981, sur les images de reportage, il est toujours là, quelques pas, juste derrière. On le reconnaît à sa calvitie élégante, sa barbe taillée façon duc de Guise et ses costumes impeccables. Parmi les hommes du président, les jeunes loups et les hauts fonctionnaires du parti, François Grossouvre est à part. Le 10 mai 1981, François Mitterrand devient président de la République. Le lendemain, à la sortie du domicile du vainqueur, rue de Bièvre, qui voit-on sortir de l'immeuble en sa compagnie? François Grossouvre. Muni de quelques dossiers, il s'installe à l'arrière de la voiture. Le 21 mai, le jour de l'investiture présidentielle, c'est encore lui qui arrive rue de Bièvre, suivi par Pierre Mauroy, le futur Premier ministre. On le voit à l'image, mais on ne dit pas son nom. Les journalistes l'appellent tout simplement l'ami du président. À l'Élysée, le gentilhomme entre dans la cour. François de Grossouvre est nommé conseiller spécial du président et président du comité des chasses présidentielles. Dans les couloirs, on le salue, on l'écoute tout en se méfiant de lui. Le chuchotement devient sa langue officielle. Car l'homme n'est pas un simple ami, chef d'entreprise. Il connaît la terre entière, entretient des réseaux efficaces et rapporte des confidences qu'on ne trouve pas dans les dépêches des ambassades. Et les voyages officiels du conseiller du président sont nombreux. En novembre 82, il est en Corée du Nord, puis à Séoul. On le signale à Libreville, puis au Maroc, en compagnie du roi Hassan II. Et encore, ce n'est qu'une partie de ses déplacements. La plupart sont secrets. François de Grossouvre joue par exemple un rôle déterminant dans la libération des otages français du Liban, comme le raconte le président de ce pays, Amine Gemayel, au lendemain de sa mort. C'était un homme très généreux. Et quand on est généreux, et la générosité ne se fait que dans la discrétion, en dehors de tout tapage et toute fanfaronnade. C'est comme ça que je l'ai connu. J'ai connu un homme très généreux, très ouvert, toujours à l'écoute des causes qui méritent une attention spéciale. Et ce qu'il faisait, il le faisait au service de la France, loin de tout intérêt égoïste ou particulier. Il a participé activement à la libération des otages français au Liban. Je peux dire qu'il a beaucoup contribué à la libération des otages français au Liban. François de Grossouvre est ambitieux, sûr de lui, mais maladroit. Dès son accession au palais, il soumet au président l'idée d'un grand conseil national de sécurité qui contrôlerait l'ensemble des organismes de renseignement français, à l'image de ce qui se fait aux États-Unis. Mais le président Mitterrand, comme la plupart des socialistes à cette époque, se méfie des services secrets. Il s'en accommodera bien plus tard lorsque seront mises en place les écoutes de l'Élysée, mais c'est une autre histoire. Malgré le refus du président, Grossouvre continue de parler quotidiennement des problématiques de sécurité. Pendant l'année 82, les attentats se succèdent dans le pays. Alors, il en profite pour mettre en garde le président sur sa sécurité et celle de ses proches, de tous ses proches. C'est ainsi qu'il coordonne la création du GSPR, Groupement de Sécurité de la Présidence de la République. Et c'est Christian Proutot, le créateur du GIGN, qui en prend la tête. En 2010, il raconte sa première rencontre avec le président. Quand j'ai vu le président de la République, je lui ai demandé qui je devais protéger. Il me dit « ma femme, c'est pas la peine ». J'étais surpris, la femme du président de la République, oh là, un policier, elle se débrouillera avec ses policiers. Mes fils, ils sont grands, j'ai aucun problème. Par contre, mes petits-enfants n'ont pas été tenus pour responsables de la position qui est la mienne. Et puis, au moment de partir, et une petite néglige, j'ai moins une main au-dessus du bureau, et puis il me dit, pour le reste, vous voyez, écrousselé. Bon, alors, Je suis un peu perplexe, je sors du bureau, je vais voir Rousselet. Il se lève de son bureau, il me prend gentiment par l'épaule, il me conduit vers la sortie, il me dit « Oui, c'est délicat, allez voir François de Grosseau, il va vous expliquer. » Bon, donc je retourne voir François de Grosseau et je raconte mon histoire. Et là, patatrac, sans prendre d'égard, de Grosseau me dit « Ah oui, oui, effectivement, il y a une deuxième famille, le président et une petite fille qui s'appelle Mazarine, vous serez responsable de sa sécurité. » Et j'en suis le parrain. Voilà. Il se trouve que depuis 1962, François Mitterrand mène une double vie. L'officielle avec Daniel, celle de l'élu, des mondanités, de la marche vers l'Élysée, et l'officieuse, la vie amoureuse, celle qu'il partage avec Anne Pinjot et Mazarine, sa fille qui naît en 1974. François de Grosseouvre en est le parrain. Il est l'un des rares à être au courant de cette double vie. Depuis des années, certains week-ends, il accueille cette sorte de famille morganatique dans son domaine de Lusigny. Pour elle, il emménage même une indépendance où elle peut se retrouver à l'abri des regards. Depuis toujours, il veille sur ce secret, ce qui lui permet aussi d'exister, et plus que ça même, être utile, voire indispensable au président Mitterrand. Depuis l'élection, il accompagne François Mitterrand rue Jacob, où vivent Anne et Mazarine. C'est le président qui le lui a demandé pour éviter d'éveiller les soupçons. Alors, chaque soir, c'est le même ballet. Grosseouvre appelle le secrétaire du président, demande s'il peut passer. Les conseillers le voient alors partir avec le président dans la voiture, et ils ne sont que tous les deux. Arrivé rue Jacob, ils entrent ensemble dans l'immeuble. Le président monte les escaliers, Grosseouvre attend quelques instants, puis repart, seul, à bord de la voiture officielle. Mais cette petite ronde ne dure qu'un temps. Grosseouvre convainc le président d'installer sa seconde famille Quai Branly, où il loge lui-même. C'est un bâtiment de la République réservé à une partie du personnel de l'Élysée. Un appartement est libre, au rez-de-chaussée. Le président accepte, non pas pour faire plaisir à son conseiller, mais pour la sécurité de Mazarine. Pourtant, entre les deux hommes, l'ambiance tend. Au palais, il y a des règles, une hiérarchie à respecter, comme l'explique François Mitterrand en 1985 dans un documentaire au cœur du palais, et gare à ceux qui ne suivent pas ses conseils. Je fais un certain nombre de réunions avec le Premier ministre, les ministres, mais je ne fais pas de réunions avec mes collaborateurs. Ils connaissent mon refrain, je dis le cabinet, ça n'existe pas. Ça ne devrait pas exister. Sans quoi, très rapidement, les principaux collaborateurs du président de la République deviendraient un gouvernement parallèle ou un super gouvernement. Et je ne supporte pas ça. Pas plus je ne supporte qu'un de mes collaborateurs fasse des recommandations, intervienne directement dans une administration. Ils le font peut-être quand même un peu. Quand je le sais, ils m'entendent. Et de temps en temps, ils le font. Certains le font. Et ils ne s'en sont jamais bien tirés. Parce que je trouve que c'est un abus de confiance. Le seul qui peut intervenir, c'est moi. François de Grosseouvre l'apprendra à ses dépens. Naguère, les concierges étaient en vogue. Désormais, on les a remplacés par des digicodes. Dans ma ville, il n'y avait pas de parc, maître. Je voyais des ouvriers manger des sandwichs à l'omelette. Le passé me revient comme un bill. Ok, la présence d'un passé omniprésent n'est pas passé. Les halles supplantées par le coste. L'allégorie des Madeleines file à la vitesse de Proust. L'air y était pur, Paris plus beau. Désormais le ticket de métro augmente comme le nombre d'autos. Oh shit, à la télé y'a plus de speaking. Y'a des films de série B que j'estime à 15 centimes. Les têtes nous plaquent ces films de 3 pièces 7. Que je mate, mais mon intellect constate qu'ils sont obsolètes. Obsolète, mais stylée la phrase qui suivra. L'homme qui capte le mec et dont le nom possède double à la variété statique solar, l'arbalète qui pique cette zig solité à l'élite qui élabore depuis des décennies. Une main basse sur mon art pour qu'il avance au ralenti. Mais le grand Manitou, t'inquiète, il démasque la musique à masque et la place en hypothèque. Puis inscrit en italique sur son agenda le top des trucs qu'il n'aime pas. Bref, pour être clair et net, le ventricule s'accompagne de l'oreillette. Comme à mes oreilles, la variette sa coquine et rime avec obsolète. Obsolète est aussi l'allumeuse qui portait des barésies et empestait le patchouli. Pour les services rendus. Elle me dit je te paye en nature et je reste stoïque quand elle me tend des confitures. Ceci est oublié quand au mois de décembre elle me téléphone et me dit passe me prendre. Bref, j'en abuse avec délectation. Douce comme de l'hydromel, je suis en affection. Puis me glisse, m'immisce entre les cuisses lisses de la miss. Ses yeux se plissent et elle dit stop ton vice. Je suis comme une balle, elle joue le rôle d'une raquette. L'endormeuse, allumeuse, se prend pour une starlette. Mais sache que dans les cinémathèques, t'es presque calipette. Des huettes sont classées dans les séries B au rayon obsolète. Juillet 1982, Lusigny. Aujourd'hui, François de Grosouvre, Marie sa fille, Nathalie. Sur le banc des invités, il y a là quelques ministres, des chefs d'entreprise importants et des personnalités rencontrées lors des chasses présidentielles. À la surprise générale, peu avant la cérémonie, un hélicoptère dépose le président de la République accompagné de Daniel. François Mitterrand est le témoin de la mariée. Quel honneur! Pourtant, ce jour-là, sur les clichés, les sourires sont de façade. Car à l'abri des regards, le président prend à part son conseiller et lui assène cette phrase terrible. « Je vous interdis de parler en mon nom, je vous interdis de vous prendre pour moi. » C'est qu'au palais, les méthodes et les allures des conseillers n'amusent plus personne. Dans toutes les circonstances, il met en avant son amitié avec le président. Il commence chaque doléance par « Le président me demande de vous dire, le président souhaite que… » Il fait des demandes extravagantes qui en deviennent gênantes et parfois embarrassantes, comme ses chasses et ses safaris avec les dirigeants africains. Avec l'arrivée de Laurent Fabius en 1984, la disgrâce du conseiller spécial s'accélère. Le ministre des Affaires étrangères, puis celui de l'Intérieur, refuse de voir le conseiller marcher sur leur territoire. Louis Jox, le nouveau patron de la Pierre Jox, le nouveau patron de la place Beauvau, en fait part directement à François Mitterrand. Il lui demande « Dites-moi, qui est le ministre de l'Intérieur, moi ou Grosouvre ?» Le président lui répond du tac au tac « Mais vous, monsieur le ministre ?» Peu à peu, les remontrances du président et des membres du gouvernement s'accumulent contre le conseiller. En 1985, François de Grosouvre demande au président un titre d'ambassadeur itinérant. Mitterrand refuse. Il décide alors de démissionner de son titre de conseiller spécial. Le 12 juin, un arrêté officialise la fin de sa mission auprès du chef de l'État. Après sa démission, François de Grosouvre accepte un poste de conseiller international pour l'usine d'armement Dassault, mais l'union n'est pas fructueuse. D'ailleurs, il traîne toujours dans les couloirs de l'Élysée où il a gardé son bureau. Comme toujours, le président socialiste préfère l'éloignement, l'abandon à la rupture franche. Après la réélection de François Mitterrand en 1988, François de Grosouvre reste à l'Élysée. Mais sous sa cape, il erre comme un fantôme dans l'aile ouest du palais. On lui donne désormais le nom de Belphégor. Pendant ces années de longue disgrâce, il rencontre à plusieurs reprises des journalistes, dont Edoui Plenel, qui en témoigne au lendemain de sa mort. Il était très critique sur une partie de l'entourage de François Mitterrand, très critique sur Roger Patrice Pelat, très critique sur d'autres proches de François Mitterrand et sur le fait que François Mitterrand ne sanctionnait pas, ne mettait pas à distance des gens qui étaient dans des jeux d'argent, dans des jeux un peu, il employait le mot magouille, dans des jeux un peu ambigus au niveau financier. Il disait qu'il avait alerté le président, que le président n'avait pas sanctionné, n'avait pas pris ses distances, ne l'avait pas écouté, etc. Lors de ses rendez-vous du soir, François de Grosouvre vise les proches du président, son fils Jean-Christophe, ancien journaliste pour l'AFP, devenu conseiller dans le domaine des affaires africaines, mais aussi Roger Patrice Pelat, l'autre ami du président, un de trop peut-être. Ensemble, ils ont connu l'emprisonnement dans un stalag allemand, ensemble, ils se sont enfuis. Mais en 1989, Roger Patrice Pelat fait la une. Le 6 janvier, une enquête de la commission des bourses révèle en effet des mouvements inhabituels avant une OPA de la société française nationalisée Péchiney sur une société américaine. Parmi les noms des inculpés, Alain Boublil, l'ancien directeur du cabinet du ministère des Finances, et Roger Patrice Pelat. L'ami du président a empoché plus de 2 millions de francs de plus-value. Le 7 mars, quelques semaines après son inculpation, il meurt d'une crise cardiaque. L'affaire Roger Patrice Pelat ne fait pourtant que commencer. Malgré sa mort, les investigations se poursuivent autour de l'argent de cet homme. L'une concerne un prêt d'un montant d'1 million de francs que Roger Patrice Pelat a accordé à Pierre Bérégovoy sans intérêt. Et la mort frappe de nouveau. Au lendemain de la défaite des législatives et de son départ de Matignon, Pierre Bérégovoy se suicide un 1er mai. Lors des funérailles, François Mitterrand prononcera ces mots célèbres. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celles qui protègent la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. Les chiens, ce sont les journalistes, mais aussi le juge d'instruction Thierry Jean-Pierre qui poursuit son investigation sur l'argent de Pella. Il découvre notamment l'existence d'une commission de plus de 20 millions de francs qu'aurait touché l'homme d'affaires dans un marché en Corée du Nord. Et c'est ainsi qu'il tombe sur le nom de François de Grossouvre et le convoque. Comme lors de ses rendez-vous avec les journalistes, l'ancien conseiller spécial est bavard, trop bavard. Il parle à demi-mot du président, mais il en parle quand même d'Anne Pinjot et de l'achat d'une maison dans le Luberon dont elle serait propriétaire. L'Élysée apprend les confidences des conseillers, on retire le dossier au juge et on lui confie une mission contre la corruption. François de Grossouvre, lui, fulmine toujours contre la présidence. À ses visiteurs du soir, il promet la sortie de ses mémoires. Les avait-il achevés le soir de sa mort? Edoui Plenel pense que non. Fin mars, il était vraiment déprimé et il avait arrêté l'écriture de ses mémoires. Et il disait, et c'était très bizarre aussi, redouter qu'on lui monte une affaire, d'être mis en cause. Bon, c'est vrai que la vie de François de Grossouvre a été très complexe et favorable aux rumeurs. Bon, ça a été quand même un honorable correspondant des services secrets, ça a été un entremetteur dans toutes sortes d'affaires internationales, etc. Bon, donc il a su beaucoup de choses. Donc il avait une sorte d'angoisse, d'inquiétude hein, sur une affaire, un coup qui lui serait porté, mais il n'en disait pas plus. Le 7 avril 1994, François de Grossouvre est retrouvé mort. France Inter, affaires sensibles. Fabrice Drouel. Notre invité aujourd'hui, la journaliste Raphaël Baquet, qui a écrit un livre en 2010 chez Grasset, chez Albin Michel, une enquête passionnante sur François de Grossouvre. Nous lui donnerons la parole dans quelques minutes. Sur le dernier jour de la vie de Grossouvre, les témoignages diffèrent selon les sources. Certains de ses proches le disent fatigué, déprimé. L'une des dernières personnes à l'avoir vu est son fils aîné, Patrick. Ensemble, ils ont déjeuné au Petit Victor, un restaurant du 16e arrondissement. Patrick de Grossouvre se souvient de ce dernier repas avec son père. Bon, on parle un petit peu de la mauvaise ambiance qui est avec le président. Puisqu'il me dit, en me montrant un monsieur qui était en train de s'asseoir avec ta pas très loin de nous, ça va vraiment de mieux en mieux avec le président, enfin, le de mieux en mieux étant ironique. Il y a longtemps qu'il m'avait mis sur écoute, mais maintenant il me fait suivre. Enfin, tu vois ce grand type là-bas, il est partout où je vais. Voilà. Donc on a parlé un tout petit peu de ça, et puis on a parlé, comme d'habitude, de famille, de chevaux, de chasse, voilà. À la sortie du restaurant, ils prennent la voiture. François de Grossouvre demande à son chauffeur de le déposer quai de Branly dans ses appartements avant d'amener son fils à son rendez-vous. Pour la dernière fois, il embrasse sans doute Nicole. Nicole, ce n'est pas le nom de sa femme, c'est celui de sa maîtresse. Comme le président, Grossouvre a une seconde famille. Il l'a rencontrée en 1981 et vit avec elle quai Branly. A-t-il été différent dans ses gestes, ses mots avec elle ce jour-là? Personne ne le sait, à part elle. Dès la nouvelle de sa mort, on décide de mettre en silence cette double vie. Michel Charras demande à Nicole de rassembler ses affaires au plus vite. Les gendarmes du GSPR débarquent, vérifient les lieux, fouillent le bureau et l'appartement à la recherche de documents compromettants concernant Grossouvre et l'Élysée. Depuis plusieurs mois, Michel Charras est en charge de ranger, archiver, supprimer les archives du palais. François de Grossouvre a toujours refusé d'y déposer la moindre pièce. Les gendarmes ont-ils trouvé quelque chose ce soir-là? Nicole quitte les lieux sans un bruit. Quelques minutes plus tard, le patron de la police judiciaire, Claude Cancès, et le substitut du procureur arrivent quai Branly. Ils montent au premier, passent devant la porte du rez-de-chaussée où séjournent Anne et Mazarine. Ce soir, le président n'y viendra sans doute pas. Quelques mois plus tard, et pour la seconde fois, François Mitterrand parle de François de Grossouvre et de son suicide avec notre confrère Jean-Pierre Elkabbach. On peut aborder un sujet délicat sur lequel vous n'avez rien dit. Quel? Le suicide de Grossouvre. Mais je n'ai rien à dire. tant et tant de journaux ont parlé de son rôle et de son influence auprès de vous. Donc son influence, je ne sais pas ce que cela veut dire. S'il s'agit d'un mot qu'on échange amical pour dire « Ah, il me semble qu'on devrait... Bon, » il m'a certainement donné des avis utiles. Quel sens vous avez donné à son geste ? Non, là, je ne peux pas... Je ne peux pas interpréter. Je ne peux pas interpréter. Et même si je parvenais à fixer mon esprit sur ce point, je ne le dirais pas. Le suicide est une affaire tellement personnelle où se mêlent tant d'éléments. J'imagine que laisser aux survivants le pouvoir de décider des intentions de celui qui est mort, cela me paraît très malséant. Mais il a fait ici cet acte. Oui. Je pense que dans son bureau de président des chasses, il y avait ses habitudes, il s'y sentait bien, il avait son environnement, et je pense que cela a dû jouer dans son choix, puisque le suicide est un acte volontaire. Non, je n'ai pas vu les intentions malignes que certains journaux, dont c'est le style, ont parlé. Plus de 20 ans après, on en parle toujours. La mort de Grossouvre hante le palais et les derniers temps de la présidence de François Mitterrand, car le 7 avril 1994, l'homme de l'ombre est entré en pleine lumière. Half my life out there. You wonder. Affaire sensible, aujourd'hui le suicide de François de Grossouvre, conseiller spécial du président Mitterrand, qu'on retrouve mort dans son bureau à l'Élysée le 7 avril 1994 en fin d'après-midi. On va en parler avec vous, Raphaël Baquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, grand reporter au Monde, vous avez écrit de nombreux livres et notamment un livre sur François de Grossouvre intitulé « Le dernier mort du Mitterrand » et avec en bandeau cette photo extraordinaire qui dit tout, peut-être autant que l'émission aujourd'hui est votre livre. Alors je l'ai décrit cette photo, François Mitterrand est dans l'avion, hein, et il lit, on le voit de dos, on voit juste le carré de ses lunettes carrées, et en bas, on peut le dire comme ça, comme un chien tapis au pied de son maître, assis par terre, ou sur un strapontin. Sur un strapontin, strapontin ouais. Quand même. François de Grossouvre. Moi, je trouve que cette photo dit tout. Elle est extraordinaire. Oui, ça dit tout. Ça dit à la fois la proximité et l'infériorisation de François de Grossouvre. Il était à la fois l'ami et le valet, d'une certaine façon, de François Mitterrand. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à cette affaire-là? Bon, alors, peut-être que le récit vient de donner un élément de réponse. Comme une affaire mystérieuse de couloirs, de palais, de mystères. Cet homme dit tout de ce qu'est la force magnétique du pouvoir, et alors en plus encore la force magnétique de François Mitterrand lui-même. Ouais. Et effectivement, il y a souvent dans le sillage des grands rois, si vous voulez, des hommes de l'ombre, mi-courtisans, mi-conseillers. Et là, dans le sillage de François Mitterrand, il y a eu cet homme, pendant plus de 30 ans, qui à la fois a financé les campagnes électorales, comme vous l'avez raconté, a été aussi un confident et un véritable ami de François Mitterrand, et puis qui l'a accompagné dans sa marche au pouvoir, et qui ensuite en a été dévoré d'une certaine façon, car François de Grossouvre espérait être le grand patron des services secrets, il espérait lui-même glaner un peu de cette puissance qu'avait emporté son ami en étant élu à l'Élysée. Mais la réalité, c'est qu'il n'était plus qu'un second rôle, un dixième rôle. Et il en a terriblement souffert. Et c'est au fond le délitement de cette amitié et le délitement aussi de cet homme qui, à la fin, s'est donné la mort aussi par dépit. Donc c'est à la fois une histoire politique et une histoire d'homme dans la dimension sentimentale. On peut dire qu'il y a une dimension sentimentale. Bien sûr, et le pouvoir, vous le savez, a une force d'attraction extrême. Alors, on dit souvent, oui, les hommes de pouvoir ont une séduction folle sur les femmes. Mais la réalité, c'est qu'ils ont surtout une séduction folle sur les hommes. Et c'est vrai que il y a cette amitié profonde qui est d'autant plus passionnelle qu'elle est sublimée, justement. Et François de Grossouvre a follement aimé François Mitterrand et a follement souffert de ne pas être à sa hauteur et puis d'être peu à peu délaissé, de ne plus jamais pouvoir l'atteindre une fois qu'il a été élu à l'Élysée. C'est un marqueur de l'époque aussi. On imagine moins une situation comme ça aujourd'hui, avec des présidents de la République qui sont quand même un peu plus proches, même s'il y a encore cet apparat incroyable chez nous qui fait rire tout le monde d'ailleurs. Mais bon, François Mitterrand, lui, on a l'impression que c'est un personnage de scie, en lévitation. Bien sûr, donc François Mitterrand. Donc être proche de Dieu, entre guillemets, parce que c'était son surnom, ça doit donner ce sentiment de pouvoir, comme ça. Oui, pouvoir se targuer d'être dans son intimité. Oui. D'abord, c'était extrêmement difficile de pouvoir le faire. Et évidemment, ça donnait un sentiment de toute puissance étonnante. Non, et François de Grossouvre a eu beaucoup d'importance auprès de François Mitterrand, ne serait-ce que parce qu'il était au courant de ses plus grands secrets et de ses secrets les plus intimes, puisque vous l'avez dit, il était le parrain de Mazarine, et il a été pendant très longtemps celui qui a abrité, cautionné, aidé la double vie de François Mitterrand. Raphaël Baquet, on va évacuer une hypothèse dès maintenant, ou y adhérer, je ne sais pas. Alors certains pensent que Grossouvre a été assassiné. Forcément, quand il y a quelque chose de bien sûr mystérieux comme ça, on pense à autre chose. Alors, c'est le cas de Jean Montaldo, auteur de nombreux ouvrages à succès contre le président socialiste, dont Mitterrand et les 40 voleurs. Et puis pour Montaldo, plus c'est spectaculaire, mieux c'est. Mais après tout, il le dit, on va l'écouter. En 2010, il pointe l'autopsie du corps de Grossouvre dans l'émission 13h15 de France 2. Et vous allez voir, il penche vraiment vers la thèse de l'assassinat. On a vidé l'appartement. On a fait partir précipitamment la personne avec qui François de Grossouvre partageait l'appartement du Quai Branly. On lui a donné 2 heures pour déguerpir. Tous les documents ont disparu. Ça s'appelle quoi, ça? Comment ça s'appelle en droit, ça? Soustraction de preuves. Ça n'inquiète pas le procureur de la République. Mais attendez, il y a pire. Il se tue soi-disant. Je dis ça entre guillemets. Je vous signale que j'en crois pas un mot. Hein. Avec un 357 Magnum, c'est une arme terrible. Une balle de 357 Magnum qui se tire là, et donc qui sort là, qui lui éclate la moitié du visage à gauche. Bon. Il a un hématome sur la joue droite. Le tir avec un 357 Magnum provoque une mort immédiate. Vous êtes foudroyé. On le retrouve, il a le 357 Magnum dans la main, et mais surtout l'épaule gauche luxée. C'est un mort qui fait de la danse. Qu'est-ce que c'est que ça ? L'épaule gauche luxée. C'est pas possible. Bon, Jean Montaldo, c'est le chevalier blanc de l'anti-Mitterrandi, hein, faut le dire au passage. Oui, mais c'est un ami de Grossouvre. Ce qui est intéressant chez Jean Montaldo, c'est que à l'époque, justement, il a repéré en Grossouvre un homme qui est à la fois dans le premier cercle de Mitterrand et dans son intimité, et en même temps, il a repéré son amertume. Et donc, Montaldo arrive auprès de Grossouvre. D'ailleurs, ils ont entre eux une espèce de jeu incroyable. Ils se déguisent, se donnent des surnoms, ils s'appellent avec des pseudonymes. Et le best-seller de Montaldo, Mitterrand et les cartes voleur va être très très largement nourri par François de Grossouvre. Donc, bien sûr, quand Grossouvre meurt, Montaldo, qui est un des adversaires acharnés de François Mitterrand et qui en fait des très grands succès de librairie, va laisser supposer un complot, un assassinat de François de Grossouvre, dont il laisse à chaque fois supposer qu'au fond, Mitterrand serait l'instigateur. Alors, pourquoi pas ? Ça aurait été très intéressant d'ailleurs, mais quand on refait l'enquête, à vrai dire, ça tient pas. Ça ne tient pas à l'enquête. Tout ce que souligne Montaldo, qui est réel, effectivement, le 357 Magnum, oui, fait des dégâts énormes. Et effectivement, quand on regarde le rapport d'autopsie et quand on interroge tous ceux qui ont vu à ce moment-là le corps de Grossouvre, c'est-à-dire le directeur de cabinet de François Mitterrand, les gardes du corps, les gardes républicains qui sont là, effectivement, la tête a été littéralement emportée. Ça, c'est tout à fait vrai. La luxation de l'épaule, elle est liée au recul, si vous voulez, que provoque évidemment ce tir. Il y a derrière un meuble, en fait. Et le recul a fait heurter le corps de François Grossouvre, et la luxation de l'épaule est tout simplement liée à cela. Et à vrai dire, tout de suite après le tir, si vous voulez, des gens sont rentrés dans le bureau, et notamment le garde du corps de François de Grossouvre. Il n'y a aucune trace de sang qui montre quelqu'un qui serait parti, si vous voulez. D'abord, il y a les traces de, il y a les empreintes de la main de François de Grossouvre sur l'arme. Alors, on pourrait imaginer qu'on l'a forcé à le tenir l'arme ou qu'on lui a placé l'arme après. Mais à ce moment-là, d'abord, il y a du sang partout dans cette pièce. Hein. Il faut bien l'imaginer. Je suis désolée de donner des détails comme ça, mais il y a aucune trace de sang, si vous voulez, de pas qui s'en irait. Des fractions, personne n'a vu personne sortir. Et si c'était François Mitterrand qui avait commandité cet acte, alors vraiment, pourquoi le faire au cœur de l'Élysée ? Donc, si vous voulez, je dis presque hélas, moi, en tant qu'écrivain, moi qui ai écrit sur cette histoire, évidemment, un assassinat aurait été beaucoup plus palpitant. Mais je crois que c'est vraiment un suicide. Bon, alors, vous l'avez rencontré en 1900, grosso modo, vous confirmez ? Oui, bien sûr. Sa fonction d'alors, chasse présidentielle, toujours ? Oui, il était conseiller à la présidence, il était chargé des chasses présidentielles, mais il avait déjà perdu pratiquement tout son pouvoir, à vrai dire. Son seul pouvoir était celui-là, c'était d'accueillir effectivement tous les invités de la présidence dans ces chasses somptueuses hein, qui existaient à l'époque, à Rambouillet, à Chambord. Il n'avait plus qu'un rôle, d'une certaine façon, d'apparat et de mondanité. Et il en était très amer. Et lorsque je l'avais rencontré, effectivement, il avait été incroyablement sévère sur François Mitterrand. Qu'est-ce qu'il vous disait, dites-moi. Ah, mais il le traitait de tout. Il considérait qu'autour de lui, il n'y avait plus que des voyous. Il dénonçait, au fond, tous ses rivaux aussi. Hein. Roger-Patrice Pelat, qui était son rival affectif, si vous voulez, auprès de François Mitterrand. Il dénonçait les affairistes autour de François Mitterrand. Et Dieu sait qu'à cette époque, vous vous en souvenez, il y avait beaucoup de scandales. Hein, effectivement. Oui, c'était la fin de règne crépusculaire. De François Mitterrand. Et donc, il était incroyablement sévère sur François Mitterrand, au point que d'ailleurs, je m'étais interrogée. Mais enfin, est-ce qu'il est bien toujours conseiller de François Mitterrand, puisqu'il vivait quand même dans les appartements de la République, il avait un bureau à l'Élysée, et c'est toute la perversité de François Mitterrand, si vous voulez. C'est-à-dire que François Mitterrand savait très bien que François de Grossouvre ne cessait de le débiner, et notamment auprès des journalistes, Montaldo, Edoui Plenel ou d'autres, si vous voulez. Et en fait, il discréditait sa parole en le maintenant là. C'est-à-dire que tous les journalistes qui allaient le voir, et Edoui Plenel le disait tout à l'heure sur cette archive, se posaient la même question qui a été la mienne à cette époque. Mais enfin, comment ? Pourquoi ? Pourquoi dit-il tout ça alors qu'il vit de l'Élysée et sur l'argent public ? Et d'une certaine façon, ça semait le doute et on ne pouvait pas croire tout ce que disait François de Grosseau. C'était la grande habileté de Mitterrand. Alors justement, lorsque nous entendions François Mitterrand tout à l'heure dans le récit, vous me disiez, mais quelle habileté à mentir avec cette élégance. Et quelle grande séduction. Et quelle grande séduction. On entend bien, effectivement, la séduction, le verbe magnifique, cette voix, cette sûreté de soi qui, évidemment, a emmené dans son sillage des quantités d'hommes et de femmes, et dont François de Grosseau. Bon, on s'en lasse pas, on y retourne. On va écouter François Mitterrand une dernière fois. À la fin de sa vie, il y a de nombreux ouvrages sur le mandat de François Mitterrand, avec des révélations gênantes, ce qu'on appelle la fin crépusculaire de ce règne. Je vous propose d'écouter donc l'une des dernières interviews du président Mitterrand, qui parle de l'ensemble de ses livres. Cet extrait du documentaire intitulé « En général, les inquisiteurs sont des lâches » de Jean-Pierre Elkabbach. Pourquoi garder ici, à l'Élysée, et pas loin de vous, je dis pas près de vous, un certain nombre de personnages qui, comme dans le cas de François Grosseau, ont pu à un moment aller voir, pour leur parler de vous, et parfois vous critiquer, les plus anti-mitterrandistes ou anti-mitterrandiens qu'on connaisse. De façon générale, je l'ignorais. Je l'ai surtout appris à cette occasion. Je l'aurais appris, j'en aurais plutôt souri, parce que je n'éprouve pas beaucoup de crainte devant ces journalistes spécialisés dans la calomnie. Si je n'étais pas taillé pour y résister, où est-ce que j'en serais, hein ? Ces fameux journalistes d'investigation qui ne sont que des policiers ratés, qui ne tiennent leur enseignement que d'officines misérables, mais qui sont pris au sérieux quand même par certains directeurs de journaux, moi ça me fait rire. Je considère comme un peu de boue au passage, quoi. Il n'y a pas de quoi se faire de grands soucis. Mais quand vous Qu'est-ce avez... qu'il en paraît comme livre, hein ? Oui, oui. J'ai fait leur fortune, quand même. Ce sont mes pauvres. Mais ils mangent ensuite dans ma assiette, hein. Bon, bah c'était juste pour le plaisir d'écouter François Mitterrand. Mépris cinglant. Et surtout l'élégance pour le dire, quoi. Oui, mais cela dit, alors il fait un magnifique mensonge quand il dit je ne le sais pas, mais bien sûr que si, il le sait, car il écoute, à vrai dire. Et François de Grosseuvre était écouté, et François Mitterrand savait parfaitement bien ce que François de Grosseuvre disait au téléphone à tous ses informateurs et à tous ses journalistes qui venaient le voir. C'est terrible pour un homme qui était aussi écouté de ne pas être écouté finalement par le président Mitterrand. Oui. C'est ça qui faisait souffrir. Alors, il y a dans cette histoire le Quai Branly. Ça, c'est extraordinaire. Voilà deux hommes, Mitterrand et Grosseuvre, qui partagent le même chemin de traverse, hein. Puisque Anne Pinjot, Mazarine vivent Quai Branly et Grosseuvre aussi. C'est quoi cette histoire? Oui, ils ont chacun ces deux doubles vies à un étage d'écart, si vous voulez. Et effectivement, c'est l'habileté suprême de François Mitterrand et la trouvaille de François de Grosseuvre, puisque en faisant vivre Anne Pinjot juste en dessous de l'appartement qu'occupe François de Grosseuvre lui-même avec sa maîtresse, cela lui permet de rentrer tous les soirs en compagnie de François Mitterrand. Vous connaissez toutes ces photos qu'on a vues mille fois où on voit François Mitterrand cheminer sur les quais de Seine et traverser la Seine. Eh bien, ils rentraient ensemble, effectivement, pour rejoindre le Quai Branly, chacun sa vie. Et c'était aussi ce qui rajoutait à leur intimité, intimité plus ou moins réelle d'ailleurs. À la fois réel et intéressé et pratique. Réel et pratique, exactement. Il était le parrain, Grosseuvre était le parrain de Mazarine, mais est-ce que c'était comme ça un titre qu'on lui avait donné, ou est-ce qu'il voyait vraiment Mazarine? Il s'occupait d'elle ou pas? Savez-vous ça? Il s'est occupé d'elle, oui, pendant toute son enfance. D'abord parce que dans le château de Lusigny qu'avait Grosseuvre, hein, dans l'Allier, très belle, enfin on a dit le château, mais c'est surtout un très gros manoir, mais une très belle propriété. Et c'était là, effectivement, que François Mitterrand venait passer les week-ends avec Anne Pinjot, puis avec Anne Pinjot et Mazarine lorsqu'elle est née. François de Grosseuvre a appris à monter à cheval, c'était un grand cavalier, il a appris à monter à cheval à Mazarine, il y avait une piscine, un tennis, il a vraiment suivi toute l'enfance de Mazarine. Puis ensuite, lorsqu'elle est venue vivre Quai Branly, il n'était pas rare qu'il vienne la chercher à l'école, hein, lorsqu'elle était écolière, puis ensuite qu'il lui fasse faire ses devoirs. Il a été véritablement un parrain jusqu'au moment où les relations sont tendues avec François Mitterrand. Alors justement, quelque chose que j'arrive pas à comprendre quand même, c'est que Grosjouve est proche de Mitterrand. Tout de même, ils cheminent ensemble, ils s'occupent de sa fille, et finalement, il est mis sur le bas-côté. Hein. Est-ce que c'est de la faute de Grosjouve? Est-ce qu'en fait, Grosjouve s'est mal comporté? Ça nous renvoie à la phrase terrible quand Mitterrand lui dit « Arrêtez de vous prendre pour moi ». Est-ce que si c'était pas pris pour lui, les choses auraient continué? Il a pas su cadrer son rôle, en fait, Grosjouve? Oui, François de Grosjouve d'abord a cru qu'il pouvait être un super espion. Et puis, il a commencé à faire des affaires. Et puis, il a commencé sans arrêt, demander des faveurs, les obtenir en se réclamant du président de la République. Alors, à vrai dire, il n'était pas le seul. Hélas, autour d'un roi soleil, si vous voulez, il y a toujours une série de parasites et de courtisans. Mais c'est vrai que Grosjouve était aussi comme cela. Et il a commencé à faire des affaires au nom de François Mitterrand. Il a commencé à s'installer, à réclamer des quantités de petites faveurs, et François Mitterrand n'aimait pas cela. Et c'est aussi une des raisons de la disgrâce. Et puis, les ministres de François Mitterrand s'agaçaient On l'a vu à Fabius Jox, notamment. Fabius et Jox, vous l'avez raconté, Jox était furieux de voir Grosjouve sans arrêt se prendre pour un espion, et finalement, Mitterrand a été obligé peu à peu de le marginaliser. Dernière chose, François de Grosjouve était-il un socialiste convaincu? Avait-il sa carte au PS? Ou est-ce que le cheminement était plus un cheminement avec Mitterrand de nature amicale que politique? C'est d'abord un cheminement amical. Écoutez, c'est simple. Avant de rencontrer François Mitterrand, François de Grosjouve célébrait tous les 21 janvier l'anniversaire de la mort de Louis XVI. Alors, c'est pour vous dire qu'il n'était pas tout à fait de gauche. Et il avait été d'ailleurs très Action française avant la guerre. Oui. Donc, et il n'avait pas perdu cela, si vous voulez. Il était très fier de son nom à particules. Il vivait comme un très grand bourgeois. Mais c'est vrai que par goût, par amitié, il a financé non seulement les campagnes de François Mitterrand, mais aussi celles de Charles Hernu. Donc c'était un socialiste de circonstance. En tout cas, il n'a jamais été membre du PS. Et je ne peux pas dire qu'il ait pris des positions, si vous voulez, quand on regarde tout ce qu'il a pu écrire. C'est vraiment pas du tout un homme de gauche. Mais il a aimé avant toute chose François Mitterrand. Raphaël Bacqué, il nous reste 40 secondes. Je voudrais évoquer votre dernier livre qui s'appelle Richetie, biographie de Richard Descoings. Hein, c'est chez Grasset. Richard Descoings, l'ancien directeur de Sciences Po, mort dans des circonstances qui sont pour nous mystérieuses. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à lui? Vous avez 35 secondes. C'est une autre histoire de pouvoir. Alors c'est la génération d'après, si vous voulez. Richard Descoings, en 81, il est encore à Sciences Po, il va passer l'ENA. Mais c'est la suite de notre époque, au fond. Hein. C'est la suite du cheminement du pouvoir. Et là, c'est vraiment le directeur de l'école du pouvoir, le directeur de Sciences Po. Et la façon dont les élites se constituent, perdurent, se referment et vivent leur entre-soi. Voilà. Merci infiniment, Raphaël Bacqué, pour la clarté de vos propos. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui le suicide de François de Grosjouve, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons le cas Émile Louis.